第四段 Dalet Sgor et hachalon Sigri et hachalon Sigru et hachalon Sgorna et hachalon Shmor et habait Shimri et habait Shimru et habait Shmorna et habait Ktov alef al haluach Kitvi alef al haluach Kitvu alef al haluach Ktovna alef al haluach Shvor et haetz Shivri et haetz Shivru et haetz Shvorna et haetz Amod Imdi Imdu Amodna Avod et ha'adama Ivdi et ha'adama Ivdu et ha'adama Avodna et ha'adama Sh'al Shalom Natan Sh'ali Shalom Natan Sh'alu Shalom Natan Sh'alna Shalom Natan Tzachak Tzachaki Tzachaku Tzachakna Shma et Dvaro Shim'i et Dvaro Shim'u et Dvaro Shmana et Dvaro Ptach et Hadelet Pitri et Hadelet Pitru et Hadelet Ptachna et Hadelet